bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Anne-Laure, je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, à les vacances, le temps des loisirs à la maison, avec une belle préparation déjà pendant le confinement, mais peut-on apprendre en jouant aux jeux vidéo et qu'apporte le jeu vidéo par rapport aux autres formes de médiation de l'histoire ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 1980, un divertissement était à la mode, le livre-jeu. Une histoire divisée en paragraphes numérotés qui laissait au lecteur le choix de la suite de l'aventure. Et en 1986, paraît, vous êtes Charles de Gaulle. Refaites l'histoire et changez le destin de la France. Un livre-jeu de Patrick Desilouze. Par exemple, le 29 mai 1968, alors que le quartier latin est couvert de barricades, 1. Si vous donnez l'ordre à la police et à la gendarmerie d'ouvrir le feu sur les manifestants, rendez-vous au numéro 299. Choix numéro 2. Si vous préférez attendre que la situation se calme, reportez-vous au numéro 62. Choix numéro 3. Si vous êtes désireux de créer un état de choc dans l'opinion publique, vous décidez de quitter Paris et de disparaître pendant 24 heures. Alors reportez-vous au numéro 415. Et oui, 415, c'était le bon choix, évidemment. Il fallait partir à Baden-Baden. En livre-jeu, il y avait aussi « Vous êtes Napoléon » ou « Vous êtes Kennedy », mais ces jeux ont pris un coup de vieux avec d'autres jeux vidéo cette fois, mais toujours baignés d'histoire. Romain Vincent, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes enseignant en histoire-géographie dans l'Académie de Créteil. Vous vous intéressez aux jeux vidéo, au lien entre le jeu vidéo et l'histoire. Vous animez une chaîne YouTube, notamment Jeux vidéo et histoire. Ben voilà, le nom est bien. Votre sujet de thèse, c'est du ludique au pédagogique, ce que les enseignants font aux jeux vidéo. J'évoquais les livres-jeux. Vous avez joué aux livres-jeux ? Alors, pas sous cette appellation-là, mais ça me fait beaucoup penser en fait au livre dont vous êtes le héros. Je crois que ça reprend un peu ça. Hein. Et donc beaucoup, oui, un peu à ça d'ailleurs, ça m'y fait repenser. Quelque chose que j'avais complètement zappé au profit des jeux vidéo plus classiques, on va dire. Des jeux vidéo plus classiques et votre thèse, vous la réalisez sous la direction de Gilles Brugère que nous avons reçu dans le cours de l'histoire dans la semaine que nous avons consacrée au jeu. C'est à écouter et à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Le jeu vidéo comme vecteur, médiateur entre l'enseignant et l'élève pour apprendre l'histoire. Avez-vous un regard précis sur cette question-là complètement optimiste ? Je sens que c'est une question qui demande énormément de nuances, tant les jeux sont variés en réalité. Oui, voilà, même beaucoup de nuances. Hein. C'est sûr que l'idée d'apprendre en jouant est belle sur le papier, mais il faut un peu la décortiquer, parce que bon, déjà, comme vous l'avez dit, il y a énormément de types de jeux différents. Je pense concernant cette idée d'apprendre l'histoire en jouant aux jeux vidéo, je pense qu'il serait déjà absurde de dire qu'on apprend l'histoire avec des jeux vidéo. Mais à l'inverse, je pense qu'il serait tout aussi absurde de dire qu'on apprend strictement rien en jouant aux jeux vidéo. Donc voilà, ces petites prudences faites, on peut rentrer un peu dans le détail. Alors il y aurait deux aspects, hein, le fait de jouer aux jeux vidéo à la maison, c'est-à-dire dans le cadre de jeux normal. Et on verra peut-être après que le jeu vidéo à l'école est parfois transformé, et surtout en histoire d'ailleurs, hein, en autre chose. Il devient souvent un outil pédagogique plutôt qu'être un jeu. On y reviendra. Et moi, ce qui m'intéresse souvent quand on me dit, bah regardez ce jeu-là, par exemple, transmet des connaissances historiques, j'aime bien regarder de quelle manière il le fait. C'est-à-dire, quelle est la mise en forme éducative qu'un jeu vidéo réalise sur des connaissances historiques. Et force est de constater quand même, quand on regarde un peu les dispositifs d'un peu plus près, quand on y joue notamment, le jeu vidéo est un dispositif ludique un peu particulier qui renferme parfois des instants de non-jeu. Et dans le cas de l'histoire, eh ben, c'est vrai que certains jeux renferment une pédagogie en fait assez classique, faite de fiches pédagogiques, voire d'encyclopédies un peu cachées ou mises en avant parfois dans les menus pauses du jeu. Donc ça veut un peu tout dire, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des précisions sur une période, sur un personnage historique rencontré ou sur un bâtiment croisé, bah, faut faire pause et puis il faut lire la petite fiche pédagogique qui est retranscrite dans le jeu, donc un format assez classique. L'autre mécanisme, on va dire, de transmission des connaissances historiques, ça serait peut-être par les scènes cinématiques, alors qui portent leur nom. Une scène cinématique, c'est quoi? C'est une scène où vous ne jouez pas, qui reprend les codes du cinéma. Vous êtes en face, voilà, d'une narration assez frontale où on vous raconte. Ça peut être les enjeux d'une mission dans un FPS historique, c'est-à-dire dans un jeu de guerre comme les Battlefield ou les Call of Duty savent bien faire. Et donc voilà, là on est en face de la forme de transmission de connaissances la plus directe, on va dire, mais qui n'est pas propre aux jeux vidéo. Que ce soit l'encyclopédie, alors bien sûr que l'encyclopédie n'est pas propre aux jeux vidéo, ou la scène cinématique emprunte encore une fois ses codes au cinéma. Voilà, il y a du décryptage à faire autour du jeu vidéo, et avec nous également Clément Dussarps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation dans l'Académie de Bordeaux. Dites-nous, dans votre regard sur le jeu vidéo, il y a quand même un aspect de description qui est nécessaire pour moi, le premier, je pense également pour les auditeurs, les auditrices de France Culture parfois. Vous avez particulièrement étudié un jeu vidéo qui s'appelle Crusader King, le roi de la croisade, quoi. Eh bien, ce roi de la croisade, en quoi le jeu est-il historique? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Que faut-il faire? Alors, c'est pas tant le roi de la croisade que le roi croisé, en fait, enfin, que les rois croisés, même, parce que ça renvoie, en fait, à cette période. Alors, c'est un jeu qui se déroule de base entre 1066, donc 30 ans avant la première croisade, jusqu'en 1444. Et ce sont, en fait, c'est un jeu, alors j'en ai étudié deux, hein, mais en particulier celui-ci, parce que vous me demandez, c'est un jeu où on dirige un personnage, ou plus précisément une lignée, en fait, hein, une lignée de rois, ou de comtes, ou de ducs, hein, qui vont prospérer, enfin, qu'on va essayer de faire prospérer, et en fait, on va pouvoir, on va pouvoir intriguer, on va gérer la diplomatie, on va faire des enfants, on va quelquefois déshériter nos propres enfants, on va devenir dépressif. Enfin, il y a un certain humour en plus, hein, dans le jeu, une certaine réalité aussi par certains aspects, notamment c'est un jeu dans lequel on découvre ce qu'est la féodalité vraiment de l'intérieur, par exemple. Et donc, pour illustrer ce que peut être un jeu, je vous propose d'écouter la présentation que le jeu fait de lui-même. En l'occurrence, ce jeu, c'est Civilization. Nous sommes les explorateurs, les inventeurs, les architectes du changement, les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Nous luttons, nous rêvons, nous avançons. Toujours vers une destinée plus grande. Le sort que nous défions. Les risques que nous prenons. Les épreuves que nous endurons. Ne nous rendent que plus forts. Il n'y a aucune fin à notre imagination. Et aucune limite à la civilisation. C'est du grand spectacle, il n'y a pas à dire. Dites-nous, Clément Dussarps, il y a ici un jeu de civilisation où il faut construire une civilisation. Y a-t-il une typologie des jeux, des types de jeux reliés à l'histoire? Alors c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois des types de jeux, jeux de tir, jeux de stratégie, jeux de gestion, etc. Et certains vont avoir un fond historique. Et qui va être, d'ailleurs moi je les appelle plutôt des jeux à caractère historique plutôt qu'à fond historique, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter certains éléments de l'histoire avec plus ou moins de fidélité, c'est là que ça peut être un peu trompeur quelquefois. Alors c'est à la fois intéressant, hein, parce qu'on va être immergé dans un monde particulier, mais d'un autre côté effectivement on peut avoir des codes historiques sans toutefois en avoir beaucoup, voilà, c'est très différent. Donc faire une typologie de jeux historiques c'est vraiment difficile. Parce que, alors, moi j'en ai étudié deux, effectivement, qui selon moi, hein, vont assez en profondeur par rapport à d'autres jeux sur l'histoire, mais sont vraiment des jeux de niche. La plupart des jeux prennent quelques éléments historiques, mais ne vont pas forcément très très loin. Les jeux que vous avez étudiés, principalement Crusader Kings et Europa Universalis. Dans ces jeux, nous avons un décor. Déjà, le décor peut être celui de l'histoire. Romain Vincent, dans ce décor de l'histoire, il y a des choses à glaner, ne serait-ce que pour avoir une atmosphère d'une période. Alors l'atmosphère, oui, c'est le bon terme, et c'est souvent d'ailleurs l'idée d'atmosphère ou d'ambiance, c'est souvent ce qui ressort en fait des déclarations d'enseignants dans l'usage des jeux vidéo en histoire. Et ça se retrouve aussi dans les paroles des élèves, c'est-à-dire avoir une espèce de sentiment, oui, d'y être, en fait. Ce qui est intéressant, ce qui peut poser problème aussi, notamment dans des jeux qui marquent un écart à la réalité assez important, que ça soit... Alors les jeux comme Crusader Kings, évidemment, c'est des jeux de niche, un peu Clément en a très bien parlé, c'est un peu différent. Mais si on prend des jeux, le jeu un peu tarte à la crème, dès qu'on parle de jeux vidéo et d'histoire, c'est évidemment la série des Assassin's Creed. Mais on pourrait mettre les Battlefield qui parlent des guerres mondiales ou les Call of Duty un peu dans le même paquet. C'est-à-dire qu'à mon sens, si on regarde ces jeux vidéo-là avec un regard éducatif et non plus un regard de joueur, hein, c'est-à-dire avec un regard quasiment d'enseignant ou d'historien, c'est sûr que on peut remarquer très rapidement des écarts avec la réalité si on prend ce rôle de spectateur. Et donc un décor, oui, mais donc si on le regarde avec ce regard éducatif et si on le met à l'école, on s'aperçoit assez rapidement que ces jeux-là, par le côté impressionnant, d'ailleurs que le trailer là montre un peu, hein, grandiloquent même presque, peut avoir un effet de réel en fait sur les spectateurs et sur les élèves, ce qui peut parfois poser peut-être un peu problème. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu de jeux vidéo depuis très longtemps, effectivement, et ce qui est mon cas, on est toujours surpris en regardant la qualité des images. Et puisque nous parlons d'Assassin's Creed, avec nous également Thierry Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et consultant historique sur le jeu vidéo Assassin's Creed. Déjà Thierry Noël, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce jeu? Quel est le principe, quelle est l'idée de cette série Assassin's Creed? Alors Assassin's Creed, hein, c'est donc une série qui est née il y a maintenant 13 ans à peu près. Et c'est un jeu, pour faire simple, hein, un jeu d'action-aventure dans lequel on incarne un membre d'une secte d'assassins, le ou la membre hein, d'une secte d'assassins qui sont en lutte contre un ordre des grands anciens et doivent apparaître à différentes périodes de l'histoire. Hein. Donc c'est essentiellement, hein, encore une fois, action, aventure, infiltration, il s'agit de jeux effectivement, mais avec Assassin's Creed, il y a cette particularité d'explorer à chaque fois des périodes, des moments de l'histoire. Alors exactement, hein, c'est depuis le début, hein, Assassin's Creed, depuis le début avec l'ère des croisades, plus récemment avec l'Égypte ancienne, la Grèce, et dernièrement donc avec l'ère viking, hein, l'âge viking, le Assassin's Creed a toujours lieu dans une période précise de l'histoire, en général une période de changement, une période importante, où il se passe quelque chose d'important au niveau historique, et le joueur est invité à vivre cette période, à évoluer au cœur de cette période, et à la découvrir en partie à travers vers le biais du jeu. Évoluer au cœur de la période, est-ce que cela signifie que le joueur a une action sur les événements qui ont réellement eu lieu? Alors le point de vue d'Assassin's Creed est toujours de respecter hein, globalement le déroulé historique, du moins tel qu'on le connaît, par contre d'essayer d'utiliser les zones d'ombre. Toutes ces petites parties d'inconnus qui subsistent et dans lesquelles on peut infiltrer ce qui est l'univers propre au jeu, sans affecter hein, l'histoire dans son ensemble et le déroulement historique tel qu'on le connaît. Oui, et puis il y a cet outil qui nous fait rêver, l'ordinateur, et il faut rappeler combien l'ordinateur est un objet récent. S'il y a un sujet qui mérite le titre de question de temps, c'est bien celui de l'ordinateur. Grâce à lui, ou à cause de lui, les sociétés modernes sont en train de changer radicalement. Cette invention, qui est peut-être plus importante que celle de la roue, représente pour le monde, et pour la société française en particulier, un défi très grave. Notre avenir dépend de la façon dont nous saurons relever ce défi. L'ordinateur n'est certes pas nouveau. En revanche, sa généralisation, qui a permis de le rendre accessible à tous, est un fait récent et capital. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite, irriguant l'ensemble de la société, elle va se répandre comme l'électricité. Et puis, l'ordinateur, lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. La plupart des applications que nous venons de voir, c'était des jeux. Mais le point intéressant est que ces machines que on peut utiliser comme jeux peuvent être également utilisées pour beaucoup d'autres applications désormais. En septembre 1978, l'ordinateur est votre avenir à la télévision française. Bien sûr, c'est un autre monde avec ses premiers jeux. Nous nous souvenons de Pac-Man, de Tetris, des jeux formidables d'ailleurs. Mais Clément Dussarps, il y a un progrès technique majeur et il faut rappeler que la question qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, le jeu vidéo et comment ce jeu vidéo peut nous aider à apprendre ou à appréhender l'histoire, nous ne sommes pas en marge des questionnements. Nous sommes au cœur de la production culturelle aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est-à-dire, le jeu vidéo, finalement, c'est assez intéressant parce que c'est, alors, comme les séries télé, comme le cinéma, comme la bande dessinée, d'ailleurs, peuvent aussi servir de support pour apprendre. C'est un peu, alors, je sais que le terme est très controversé, mais c'est un peu une rencontre entre un produit de la culture populaire, c'est ça qui est controversé, et la culture dite savante, où il y aurait de l'histoire, il y aurait de la réalité dedans, effectivement. Avec une force majeure du jeu vidéo, Romain Vincent, on peut rappeler hein, le poids que représente le jeu vidéo dans l'économie aujourd'hui. Pour une certaine génération, le jeu vidéo est une évidence bien plus que le cinéma. Dans le cas de l'histoire précisément ? Ou en général, déjà en général. Oui, bah il y a un effet de il y a un effet de génération qui est assez évident, c'est-à-dire que si on regarde justement les raisons de l'usage du jeu vidéo en classe, c'est tout simplement que les enseignants, alors je plaide coupable aussi dans ce portrait robot, les jeunes joueurs ont grandi, maintenant ce sont des enseignants, ce sont également des chercheurs, on a beaucoup de recherches aussi sur le jeu vidéo. Part en partie des anciens joueurs. De là à dire qu'il remplace le cinéma, ou du moins qu'il le supplante, je sais pas. Alors c'est vrai qu'on donne toujours des chiffres hein, sur le chiffre d'affaires en gros de l'industrie. Je sais pas s'il faut à chaque fois passer par l'argent en fait pour justifier le jeu vidéo, mais c'est sûr que c'est une pratique qui a été en augmentation évidemment ces dernières décennies, c'est évident. Après, il faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas une culture ludique. Les cultures ludiques sont plurielles, encore une fois, notamment à l'école. Hein, et on parlait de tension entre culture populaire ou culture de masse plutôt et la culture savante. On le retrouve aussi dans ces usages pédagogiques entre la tension qui peut exister entre la culture ludique de l'enseignant, qui a été joueur encore une fois pendant son enfance et même après, et la culture ludique des élèves, qui n'est pas la même que celle de l'enseignant, voire même les cultures ludiques des élèves entre eux ne sont pas les mêmes. Et elles sont complémentaires, c'est cela qui est intéressant. Je pense notamment aux séries et à la série Viking, qui a connu un grand succès, et au dernier épisode du jeu vidéo Assassin's Creed, qui se passe dans le monde viking. Thierry Noël, vous avez travaillé pour ce jeu vidéo sur le monde viking. Vous êtes consultant historique pour Assassin's Creed. Quel est l'univers qui est développé ? Là, nous nous trouvons au 9e siècle, c'est bien ça ? Exactement, on a choisi un moment important pour ce qu'on connaît maintenant comme l'Angleterre, qui est ce moment fort au 9e siècle d'invasion viking dans l'Angleterre anglo-saxonne et la chute successive des royaumes anglo-saxons les uns après les autres devant la pression viking, jusqu'à ce que le Wessex d'Alfred le Grand, grand personnage de l'histoire anglaise, arrive à résister, à les repousser. Donc on est un moment vraiment fondamental de l'histoire de l'Angleterre, en fait. Moment fondamental de l'histoire de l'Angleterre et j'imagine bien sûr de l'historiographie, de l'histoire de ce monde viking. Comment avez-vous travaillé, Thierry Noël ? Justement, vous vous imprégniez, c'est bien cela, des recherches pour essayer de retranscrire dans le jeu quelque chose qui reflète les travaux universitaires ? Alors oui, hein, je crois que c'est des particularités d'Ubisoft. On n'est pas les seuls à faire des jeux hein, qui s'inspirent de l'histoire, même si Assassin's Creed, c'est vrai, est très très, très ancré dans l'histoire. C'est donc une des particularités, c'est d'avoir une unité de recherche à laquelle j'appartiens et qui se dédie à plein temps à faire des recherches tous azimuts pour la plupart de nos jeux, et dans ce cas-là, donc Assassin's Creed, pour fournir à nos équipes tout le matériel nécessaire hein, pour leur créativité, pour nourrir les mondes de nos jeux. Ça suppose pour nous donc lecture de toute la bibliographie disponible sur les Vikings et le monde anglo-saxon en l'occurrence, rencontrer des experts, historiens, archéologues, linguistes et autres, essayer de fabriquer des outils qui pourraient permettre de transmettre ça à nos équipes. Je pense à un petit, on a fait un petit outil qui permettait de recréer des mots, chercher tout ce qui est disponible, mais aussi essayer d'éclairer ce qu'on ne sait pas. On est sur une période hein, qui est finalement très mal documentée. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup recours, hein, encore une fois, à des historiens et autres, avec tout un travail de reconstruction pour essayer de recomposer autant de le patrimoine matériel, hein, l'histoire matérielle, comment étaient les immeubles et autres à l'époque, enfin les constructions de l'époque, de la même manière que reconstituer la langue, mais toujours sur des bases les plus scientifiques possibles. On réalise aussi des voyages immersifs, on essaie d'aller retrouver hein, les paysages et aussi le monde tel qu'il pouvait être à cette époque-là, ce qui est toujours un défi, hein, évidemment, pour quelque chose qui a disparu, une période qui a disparu depuis longtemps. Voilà, ça vous permet d'aller voir les fjords, c'est-à-dire que c'est un travail qui croise ce que vous pouvez trouver en bibliothèque dans les ouvrages, la réalité du terrain, oui, dans quel paysage ont pu évoluer les Vikings, et puis les sources archéologiques. Mais dites-nous, Thierry Noël, il y a la contrainte du jeu malgré tout, cette contrainte est-elle très forte ? Ça reste un jeu. Je crois qu'il faut, alors il faut vraiment être très très clair là-dessus, c'est un jeu. C'est un jeu avec toute la, ce qui est d'après moi dans toute la noblesse du terme, c'est-à-dire qui est censé fournir de l'émotion, de l'action, du divertissement et toutes sortes d'apprentissages. C'est le principe hein, du jeu hein, depuis qu'on est tout petit, tel qu'on peut le pratiquer quand on est tout petit. Mais donc de l'apprentissage, dont, et dans le cas d'Assassin's Creed en particulier, oui, un certain apprentissage en histoire. Mais encore une fois, ça ne prétend pas hein, être non plus un cours d'histoire en soi. On parle bien d'un jeu, et c'est la priorité. Ce qui n'empêche pas, après, vous le savez, qu'on le décline, on utilise le matériel qui a été accumulé, les connaissances accumulées, dans le cas d'Assassin's Creed, pour le décliner dans une version pédagogique qu'on appelle les Discovery Tours. Et bien justement, pour découvrir ces Discovery Tours, ces tours de la découverte, moi je traduis tout, hein, plus ou moins bien, je vous propose d'écouter un reportage de Marion Dupont. Marion Dupont qui travaille au cours de l'histoire, un reportage réalisé par Perret Legras qui nous emmène explorer comment Assassin's Creed propose ces tours, ces visites plus pédagogiques, plus historiques de leur propre jeu. Juliette, élève en classe préparatoire. Bah moi je joue beaucoup aux jeux vidéo et Assassin's Creed notamment, enfin j'y joue avec mon frère, mais je me disais souvent ah c'est dommage parce que bah, parfois ça m'embête en fait de tuer les gens et je me dis j'aimerais prendre plus le temps. Moi je fais partie des gens qui regardent les détails et du coup ça me fait vraiment plaisir de découvrir en fait les Discovery Tours parce que j'en avais pas entendu parler. Je suis assez nulle dans les missions en fait, donc je regarde beaucoup en fait mon frère jouer et du coup il y a des moments où on prend le temps de monter voilà en haut du rocher parce qu'en fait souvent dans les jeux Assassin's Creed, je sais pas si vous voyez, il y a un endroit, un promontoire en fait dont on peut voir etc. Donc en fait on fait ça, on fait les pauses, on regarde ce qui se passe, on discute beaucoup avec les gens, on essaye plusieurs versions en fait. Parce que en fait les jeux c'est aussi des jeux à choix, il y a différentes fins. Et du coup en fait ce qu'on s'amuse beaucoup à faire c'est tester plusieurs versions pour interroger les personnages et voir différents angles. Donc on parle beaucoup avec les philosophes, hein. Voilà, c'est plutôt ça qu'on fait. Maxime Durand, historien de formation, travaille chez Ubisoft Montréal en tant que directeur des contenus pour le jeu Discovery Tour Ancient Greece. Le Discovery Tour, c'est un univers virtuel qui se passe en Grèce antique, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, où on peut aller partout. Et quand je dis partout, on peut aller dans les temples, on peut aller au-dessus des temples, donc on peut grimper sur les monuments historiques, on peut voir la vie du quotidien. Donc, c'est vraiment un monde virtuel dans lequel on est libre de se promener ou on peut s'engager également dans des visites audio-guidées qui sont confectionnées avec l'aide d'historiens, de spécialistes de la Grèce antique. Et là, on parle vraiment d'histoire, on parle d'archéologie. Le but, c'est de faire découvrir ce monde-là à n'importe qui. Des joueurs, des non-joueurs, des familles, des visiteurs de musées, par exemple. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. This man is costing us a fortune to contain. We have to stop him, or everything we worked for will be destroyed. How do we restrain this angel of yours? Raise an army against one man? Dans le Discovery Tour, on réutilise l'environnement d'Assassin's Creed, mais on enlève toute la violence, on enlève la pression de performance et de temps, et on crée des visites qui sont écrites par des historiens, donc on a vraiment des partenariats avec eux, des gens qui sont illustres dans leur domaine. Je pense par exemple à Olivier Picard, qui est directeur émérite à la Sorbonne, qui était directeur du site de fouilles à Delphes. Ces gens-là vont écrire des tours pour nous et pour les visiteurs. Ils vont fournir des images de référence muséales également. Et là, on essaie de faire la départition du vrai et du faux. On essaie de faire découvrir aussi l'archéologie et on essaie de favoriser l'esprit critique. Bienvenue au gymnase du Cynosarge, l'un des nombreux lieux où les philosophes venaient enrichir la pensée et éclairer l'esprit. Je m'appelle Aspasia. Bien que n'étant pas native d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. Pour apprendre, il n'existe pas de meilleur endroit qu'un lieu calme, loin de la cacophonie de la cité. Quelle pièce d'Aristophane présentait Socrate sous les traits d'un sophiste? Les guêpes se moquaient des institutions judiciaires athéniennes, mais Socrate n'y figurait pas. Réessai. Oui, Les Nuées était une comédie présentant ce célèbre philosophe comme un sophiste cupide. Platon a même estimé que cette caricature avait contribué au procès et à l'exécution de son mentor. Excellent, voyageuse! Socrate en personne aurait été impressionné par l'étendue de ta sagesse. Je pense, entre autres, on parle de la statue d'Athéna Promachos sur l'acropole d'Athènes. Dans le Discovery Tour, on mentionne qu'elle faisait 10 mètres de haut, selon les sources historiques, alors que très clairement dans le jeu, on voit qu'elle est beaucoup plus grande. Et là, c'est vraiment c'est un travail pour le visiteur de faire le jugement, de se dire, bon, ben, clairement, ils ont fait la statue plus grande, probablement parce qu'on peut grimper dessus. Donc, on a plusieurs séquences qui s'appellent les séquences derrière les coulisses dans le Discovery Tour, où les joueurs peuvent apprendre plus sur le développement du jeu et les choix des développeurs de jeu également. Et ça, je crois que c'est très apprécié. C'est notre travail pour mettre de l'avant la critique historique. Et là, on veut encourager ce discours-là à faire comprendre aux visiteurs du Discovery Tour que ce qu'on voit est une reconstitution artistique interprétée et non pas la fidélité historique, qui n'existe pas de toute façon. William Brou, professeur d'histoire-géographie en collège, animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu, a l'habitude d'utiliser le jeu vidéo historique comme support pour travailler avec ses élèves. Alors, première réaction, surprise, quand ils voient une PlayStation dans la salle, ils s'y attendent pas. Un peu moins maintenant, parce qu'ils commencent à me connaître d'année en année. Mais je sens qu'il y a une volonté de parler de ces jeux. Ils n'y ont pas forcément joué, ils en ont entendu parler. Et en fait, ma réussite, enfin, j'estime que j'ai réussi à partir du moment où quand ils voient le jeu ou quand on commence à jouer, les élèves commencent à me poser une question. Monsieur, est-ce que ça, c'est vrai? Et en fait, à partir du moment où la question vient d'eux, le jeu a fait son job et moi, je vais pouvoir faire le mien après. Mais la question est née dans sa tête et c'est pas moi qui lui pose une question, c'est lui qui se la pose. Et donc, en partant du jeu, on va ensuite leur faire consulter des documents d'archives, on va leur faire vérifier les informations et donc ils vont devenir des apprentis historiens au final. Et justement, c'est ça qui est intéressant de travailler avec les élèves parce que il y a des erreurs assumées, des anachronismes assumés souvent. Ce sont des anachronismes, certes, mais en fait, en partant de ces anachronismes, on va essayer de faire réfléchir les élèves sur pourquoi il y a ces anachronismes. Pourquoi la statue, elle est plus grande? Pourquoi ils ont mis telle couleur? Ou pourquoi il y a des ruines? Pourquoi il y a ce genre de détails? Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il faut bien faire la différence dans le Discovery Tour entre le discours textuel, qui est le produit d'historiens, d'archéologues, et le discours, on va dire, visuel, qui est le produit des game designers, level designers, qui sont soumis à des contraintes budgétaires ou des contraintes de gameplay. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec le jeu vidéo, avec vos élèves? J'essaye en moyenne, on va dire, 3 fois par an. Voilà, donc une fois par trimestre avec des collégiens. Faut pas que ce soit systématique, faut pas que ce soit automatique. Faut que le jeu soit pertinent, qu'il me permette aussi et qu'il réponde à des objectifs pédagogiques. Vraiment, l'intérêt, c'est que le jeu me permette de raconter l'histoire ou qu'il me permette de soit d'exercer l'esprit critique des élèves, hein, de faire naître l'esprit critique des élèves, soit de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Olivier Coquart, professeur d'histoire en classe préparatoire. J'ai l'habitude de travailler énormément avec comme matériel ce qu'on appelle la culture populaire, ce qui est plutôt digne d'ailleurs comme appellation, mais ce qui peut parfois être pris en mauvaise part. Je pense que ces jeux vidéo, au même titre que ce que l'on appelle les youtubeurs, au même titre que les séries télévisées, au même titre que le cinéma ou que le roman, sont des moyens magnifiques de s'imprégner d'histoire, d'entrer dedans et donc de comprendre la réalité de ce qui pouvait motiver les gens à écrire des choses bizarres il y a longtemps dans des espaces qui nous sont imperméables. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière particulière d'apprendre par le jeu vidéo ? Tout d'abord, si vous me demandez s'il y a une manière, je vous répondrai non, il y en a plein. Je suis incapable, évidemment, de prendre le jeu vidéo comme le fait mon voisin de droite, ma voisine de gauche, celui du dessous, celui du dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'avais eu l'occasion d'en parler lors d'un débat un peu animé avec un homme politique célèbre. Je pense qu'il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui s'amusent à tuer des méchants, et quel que soit le méchant qu'ils tuent, que ce soit un alien, un révolutionnaire, de toute façon il va tuer un méchant. Et puis il y a ceux qui, a priori, se disent « je vais apprendre des choses où ce jeu parle d'une période qui m'intéresse ». Et à ce moment-là, celui-là, en fonction de son vécu, en fonction de ses acquis, il utilisera le jeu vidéo comme une nouvelle porte pour entrer dans la période, dans la thématique qui l'intéresse. C'est ce que j'essaye de faire lorsque je confronte mes étudiants au jeu vidéo. J'essaye juste de leur dire, voilà, vous avez une porte possible à prendre, un peu comme dans Monstres et compagnie, il y a plein de portes qui mènent sur des enfants différents et sur des rêves différents. Once an assassin, now their pursuer. I must destroy those who I once called brother. Est-ce que vous pensez que ça facilite l'apprentissage ? Pour certains, je dirais probablement pour une majorité, oui. Évidemment, parce que, malgré tout, l'expérience théorique du marteau est un peu insuffisante. Si on n'a pas planté un clou, on n'a pas planté un clou. Certains étudiants ont un esprit abstrait extrêmement affûté et peuvent, à partir des mots, se construire les mondes anciens. Pour d'autres, c'est indispensable de se rendre compte que faire la guerre, manipuler un bouclier grec qui fait 1m40 de diamètre, c'est compliqué. Et je pense qu'en effet, ça permet d'une façon extraordinaire, quand on n'a pas l'accès aux reconstitutions, d'entrer dans le concret. Pour moi, l'histoire, c'est du concret. Pour moi, l'histoire, c'est tenter vraiment de savoir comment ça se passait avant, même si ça nous est imperméable, même si ça nous est inconnaissable. Est-ce que le virtuel, dans ce cas-là, c'est du concret ? Oui. C'est-à-dire que l'histoire, de toute façon, elle raconte des histoires. Rien de ce que nous disons n'est réel. Périclès est mort depuis très très longtemps, de même que tous les gens qui sont impliqués, évidemment, dans Odyssée. Ce qu'ils ont vécu, nous ne le connaissons que par des parcelles extrêmement ténues, extrêmement critiquables, qu'on appelle les sources. C'est à partir de ces sources qu'on invente. Et le terme d'invention, il est fondamental chez les historiens. Les historiens, ils inventent leurs sources. Je transforme ce micro en source historique à partir du moment où je l'utilise pour faire l'histoire, par exemple, des médias au XXIe siècle. Mais je peux le faire parce que je suis historien. Et puis, non seulement ils inventent les sources, mais ils inventent même ce dont ils parlent. C'est-à-dire, ils inventent le passé dont ils parlent. Donc oui, c'est virtuel. So what? Merci Marion Dupont et merci Père Elegras. Thierry Legras qui a réalisé le reportage et Marion Dupont qui est partie à la rencontre de ceux qui utilisent le jeu vidéo et notamment une forme particulière qui s'appelle Discovery Tour qui est en fait une déclinaison du jeu vidéo Assassin's Creed. Thierry Noël, vous avez particulièrement travaillé sur la dernière version d'Assassin's Creed Valhalla, donc dans le monde des Vikings. Est-il prévu qu'il y ait cette déclinaison qui est en fait sans le jeu, une balade pour découvrir cet univers, celui des Vikings en l'occurrence? Alors, en effet, il sortira au courant 2021 et les équipes de Maxime Durand que vous avez entendu pendant le reportage travaillent d'arrache-pied là-dessus. Et nous collaborons, l'unité de recherche collabore avec eux. Voilà, donc un nouvel outil, un nouveau jeu peut-être pour enseigner. Romain Vincent, comment procédez-vous quand vous êtes face à vos élèves pour utiliser le jeu vidéo ? Alors moi dans ma pratique, c'est vrai que j'ai utilisé les jeux vidéo depuis quelques années. Je le fais, je mets un peu ce côté à distance maintenant parce que mon travail de thèse, c'est pas sur mes pratiques à moi, c'est d'aller voir dans des classes de collègues, pas seulement en histoire d'ailleurs, mais dans d'autres disciplines aussi, de voir en gros comment le jeu vidéo et pourquoi il est utilisé en classe. Donc c'est plus un travail, une démarche d'ethnographe, entre guillemets, pour aller voir ce qui se passe. Mais donc, si je me permets en fait un peu de me mettre de côté, de reculer un peu la focale pour voir un peu les usages du jeu vidéo en classe d'histoire, il me semble, et je pense que le reportage le montre bien à plusieurs déclarations, hein, qu'on est parfois en face d'un paradoxe dans l'usage du jeu vidéo en histoire, il me semble que cette discipline, c'est celle qui transforme le plus le jeu vidéo en autre chose. C'est-à-dire que en cours d'histoire, le jeu vidéo n'est plus vraiment un jeu, des fois il n'est plus du tout un jeu, hein. Il est transformé parfois à l'extrême en document historique. Ce qui n'est pas à la base, précisons-le quand même. Le jeu vidéo est un dispositif ludique, il est vécu comme un jeu. Je précise aussi d'ailleurs que pourquoi d'ailleurs c'est très difficile de trouver des apprentissages en histoire dans les jeux vidéo, c'est parce que dans tous les jeux qu'on évoque depuis le début, alors Crusader Kings fait peut-être un peu exception, on y reviendra peut-être, mais dans les Assassin's Creed, dans les Call of Duty ou les Battlefield, vous faites autre chose qu'être en confrontation avec l'histoire. Vous êtes dans des jeux d'action-aventure où, votre principale activité, c'est de vous battre, c'est d'améliorer votre équipement, etc. Vous êtes donc dans une excitation ludique autre que dans une attitude d'apprentissage. Et d'ailleurs, dans le reportage, le témoignage de l'élève qui est en classe prépa, d'ailleurs, hein, alors ça aussi, ça veut dire des choses dans ce qu'elle nous raconte, je pense, elle nous parle pas du jeu. Elle nous dit, moi, j'aime bien Assassin's Creed parce qu'en gros, ça parle d'histoire. D'ailleurs, elle joue pas, elle dit qu'elle regarde son frère jouer, hein. C'est généralement le garçon qui joue à ces jeux-là, hein. C'est intéressant. Et donc, elle nous dit, elle aime bien regarder les détails, voir un peu les détails historiques, etc. Donc, c'est déjà une attitude vis-à-vis du jeu qui n'est pas, je pense, une attitude vraiment ludique. Mais si je repars donc sur les cours d'histoire, oui, le jeu vidéo, et notamment les Assassin's Creed, sert d'abord comme matériel illustratif. Et notamment, il rentre pas toujours comme jeu, il rentre souvent en tant que vidéo, qu'en simple vidéo. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, hein, pour le premier Assassin's Creed, qui est donc, oui, sorti en 2007, qui traite des premières croisades. J'ai fait un petit montage de mon gameplay, en fait, hein, et donc je passais ça aux élèves, on faisait un exercice d'esprit critique sur lequel on pourra revenir après. Le Discovery Tour, par contre, là, encore une fois, c'est révélateur. Le Discovery Tour, c'est donc ce mode éducatif d'Assassin's Creed où, alors Maxime Durand nous dit que la violence a été enlevée. Bah oui, forcément, parce que sinon, ce sera un peu difficile de dire que c'est un produit éducatif. Mais c'est surtout le jeu qui est mis de côté. C'est-à-dire que dans le Discovery Tour, vous n'avez plus de but de jeu. Vous devez justement... Alors, soit vous baladez totalement librement, mais ce qui est souvent mis en avant dans la communication d'Ubisoft, c'est les visites guidées. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez, en gros, je prends l'exemple, j'en sais rien, de l'Acropole ou du Parthénon, vous déplacez votre personnage devant, vous appuyez sur un bouton, et donc, l'enseignant intégré au jeu, dans la visite guidée, vous raconte l'histoire. Et là, vous êtes passif, vous ne jouez plus, et en fait, le Discovery Tour, plutôt que de montrer qu'on apprend en jouant au jeu vidéo, bah, finalement, il prouve un peu l'inverse. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début avec les fiches pédagogiques, etc., pour apprendre l'histoire dans un jeu vidéo, eh ben souvent, il faut poser un petit peu la manette et ne pas jouer. Oui, parce que c'est la bonne question de savoir comment l'on lit le texte. Est-ce qu'on le lit dans un livre ou est-ce qu'on le lit sur un écran? Mais dans les deux cas, on le lit. Il n'est plus question de jeu. Vous, Clément Dussarps, dans l'étude que vous avez pu faire de l'utilisation des jeux vidéo comme outil pédagogique, quel est le protocole que vous avez mis en place? Ce ne sont pas les mêmes jeux, ce n'est pas Assassin's Creed que vous avez particulièrement étudié, ce sont d'autres jeux, mais le protocole reste tout autant pertinent. Comment avez-vous fait? Non, moi, je suis allé enquêter, en fait, différents joueurs. J'ai eu beaucoup de réponses, d'ailleurs, plusieurs centaines. J'ai essayé de comparer, en fait, ce que les joueurs, d'un côté, apprenaient en jouant à n'importe quel jeu, peu importe lesquels, sauf Europa Universalis et Crusader Kings, que j'ai étudié particulièrement, et ceux qui jouaient à Europa Universalis et Crusader Kings, ce qu'ils apprenaient particulièrement. Et effectivement, c'est très intéressant parce que on est dans un cas, on a Vincent l'a dit, hein, c'est que Discovery Tour n'est plus un jeu, hein, pour moi c'est une simulation, c'est un produit pédagogique, c'est un jeu sérieux à la limite, et c'est-à-dire que justement le problème du jeu sérieux, c'est qu'on perd souvent cette dimension ludique. Pas toujours, hein, mais là, effectivement, c'est le cas. Et là, dans Europa Universalis et Crusader Kings, la particularité, c'est justement qu'on continue à jouer. A priori, on prend du plaisir en faisant ces jeux-là, malgré leur complexité. Alors, ce sont des jeux, il faut imaginer, hein, ce sont des jeux de plateau, en fait. Hein. D'ailleurs, Europa Universalis a été adapté d'un jeu de plateau. Ce sont des jeux de plateau où il y a beaucoup d'actions à faire, beaucoup de choses à lire, à détailler, etc. Donc, ce sont vraiment des jeux de gestion et stratégie. Et là, pour le coup, effectivement, on a de l'apprentissage en même temps qu'on joue. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Ceci dit, il y a vraiment... moi, ce que j'ai vu chez les joueurs, c'est qu'il y a deux grandes approches, en fait, de ces jeux-là. Certains sont passionnés par la stratégie, uniquement. Et d'autres sont passionnés par la stratégie et l'histoire. Et là, effectivement, ils vont... alors, certes, on pose pas vraiment sa manette, comme dirait Romain, mais effectivement, ils vont quand même prendre le temps d'aller chercher plus loin, en général. C'est-à-dire qu'ils sont en jeu, ils sont en train de jouer, ils se rendent compte, je sais pas, par exemple, ils ont l'union de la Castille et d'Aragon qui forment l'Espagne. Ils vont aller chercher sur Internet. Certains d'entre eux, voilà, parce qu'ils sont passionnés, vont aller chercher sur Internet plus d'informations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, le jeu sert toujours de support. C'est-à-dire qu'on a plusieurs étages, en fait, hein. On a un premier étage où dans le jeu on apprend un certain nombre de choses parce qu'il y a des événements, parce qu'on a une carte qui est très précise, hein, d'ailleurs dans ces jeux-là c'est une grande qualité, hein, les cartes sont très précises malgré quelques petites erreurs, mais voilà, on peut aller chercher plus loin et justement ils vont aller découvrir d'autres éléments. Et c'est là que le jeu devient vraiment un support pour des apprentissages plus profonds. Le désir d'aller chercher plus loin, le plaisir de jouer. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Voilà, c'est tout à fait doux ça. Jeux vidéo et histoire, c'est la question pour le meilleur et pour le pire dans le cours de l'histoire et également sur Arte Créative, donc la chaîne sur le web de la chaîne de télé Arte. Arte Créative qui a confié à Benjamin Brio. Benjamin Brio, on le connaît bien sous son nom de YouTuber, Nota Bene, sa chaîne YouTube. Et Benjamin Brio s'intéresse à ce que signifie l'histoire dans le jeu vidéo. Vous pensez que les morts totalement... Mes chers camarades, bien le bonjour. Le mec qui parle à l'écran, là, c'est moi. Ben, j'ai 29 ans, j'aime les longues balades en forêt, la raclette et le lancer de hache. Mais plus que tout, j'aime l'histoire et les jeux vidéo. L'histoire, j'en ai fait mon métier et depuis quelques années, je raconte sur YouTube des trucs sur la mythologie aztèque, la conquête de l'Ouest, la culotte du roi Dagobert... Et je détaille même parfois la vie des pigeons au Moyen-Âge. Une passion qui m'est venue parce que tout petit, bien avant que je ne fréquente les bibliothèques, je suis tombé dans une marmite de jeux vidéo, et j'y suis encore. Récemment, en jetant un regard nostalgique sur mon passé vidéoludique, je me suis rendu compte que j'avais parfois eu la sensation d'avoir appris des trucs, vrais ou faux, de m'être fait des idées sur une situation géopolitique via un simple scénario de jeu, d'avoir ingurgité tout un tas de références qui finalement ont participé à la vision que j'ai aujourd'hui du monde. Paris, 1794. Chaque jour apporte son lot d'exécution. Ton tour viendra, Robespierre. D'Assassin's Creed à Wolfenstein, en passant par Medal of Honor, Battlefield ou Spec Ops The Line, de Age of Mythology à World of Warcraft, la place de l'histoire dans le jeu vidéo soulève finalement beaucoup plus de questions que ce que l'on pourrait penser. Benjamin Brio qui nous explique la place du jeu vidéo dans l'histoire en soulevant cette question. Cela est complexe, mais nous le sentons bien, Romain Vincent, nous ne pouvons pas faire hors du jeu vidéo au sens où le jeu vidéo fait partie de la culture, je ne dis pas d'une génération, c'est transgénérationnel, c'est plutôt des choix individuels, et l'histoire, quand elle est bien travaillée avec des accompagnants, c'est ce que vous faites, le permet par le jeu vidéo de prendre un véritable relief. Vous avez un regard positif avec une nécessité d'accompagnement. Oui, enfin, du coup, c'est ce qui montre un peu ses limites. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, si on vous dit que pour apprendre des connaissances historiques dans les jeux vidéo, ce qui me semble être généralement plus des connaissances assez factuelles, et je pense que l'article de Clément le montre bien aussi, plutôt que vraiment apprendre des grands processus historiques. Oui, mais encore une fois, quand on vous dit apprendre l'histoire avec les jeux vidéo, et quand on regarde le jeu, qu'on voit que c'est un jeu qui est explicitement éducatif, donc déjà qui est construit pour l'apprentissage, et de deux, on vous dit, en gros, bon, vous n'êtes pas obligé d'y jouer pour apprendre des choses, ce qui est déjà un peu un problème dans cette problématique d'apprendre en jouant. Et de trois, on vous dit qu'il faut quand même qu'il y ait un médiateur à côté de vous, qu'il y ait un prof pour vous dire, en gros, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai dans le jeu. Donc, si on regarde la configuration que je viens de décrire, à mon avis, ça montre plus les limites du jeu vidéo pour apprendre l'histoire, plutôt que ça ne les valorise. Et je pense même, j'oserais dire d'une manière générale, je ne pense pas que ça soit rendre service au jeu vidéo, que de lui donner des propriétés qu'il n'a pas, ou du moins de les survaloriser. Je pense que le jeu est avant tout vécu comme un jeu, hein, de la part des joueurs, et que en effet, quand on interroge des enseignants ou des historiens, eh ben on va parler d'autre chose, on va parler plutôt du décor, de la mise en récit, etc. Mais ces discours ont souvent pour effet, à mon sens, hein, de mettre de côté un peu l'expérience de jeu. Si je reprends encore une fois les jeux qu'on a évoqués, qui sont d'abord des jeux d'action-aventure. Donc, je pense que ça montre plutôt la limite qu'autre chose. La limite du jeu vidéo, nous l'entendons très bien, mais comme tout support, hein, et ça c'est extrêmement clair dans les esprits des uns, des autres, que ce soit une bande dessinée, un film, il faut un accompagnement. Clément Dussarps, vous êtes, vous également, dans cette petite réserve sur l'apprentissage par le jeu vidéo, ou un peu plus optimiste? Non, je suis dans la même réserve. Je souscris à tout ce qu'a dit Romain. Effectivement, moi, je l'avais observé, hein, c'est-à-dire il faut un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va traduire. Ne serait-ce, si vous voulez, que parce que quand on est dans un Assassin's Creed, par exemple, j'adore cette série, hein, j'y ai joué aussi, je suis aussi joueur, c'est vrai que c'est important de préciser qu'on est tous les trois joueurs. Effectivement, c'est super intéressant. On est dans une ambiance, on a une belle architecture, etc. Mais on ne se rend pas compte de ce qui est vrai et faux, parce que finalement, par exemple, dans Assassin's Creed 2, on croise Léonard de Vinci, qui aide les assassins, qui crée des armes pour eux, etc., tout en ayant des choses qu'il a réellement créées ou voulu créer. Mais vous voyez, il y a besoin, en tout cas, de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Donc, il y a besoin d'une médiation entre les deux, ça c'est sûr. Toujours la médiation. Alors, on dit game over, mais aujourd'hui, tout le monde a gagné dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup à vous trois, Clément Dussarps, Romain Vincent et Thierry Noël, de nous avoir parlé de la place de l'histoire dans le jeu vidéo, avec toutes ces réserves qui nous plaisent beaucoup, car le jeu reste un jeu et l'histoire, c'est l'histoire. Parfois, ça se croise, mais faut faire un peu gaffe. Merci à vous. On retrouve tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le château de Berlin va bientôt ouvrir ses portes, un château hanté par l'histoire. Un château sort de terre à Berlin. On croirait un conte de fées, mais pas tout à fait. L'inauguration du forum Humboldt a eu lieu le 17 décembre à Berlin en version numérique. La promesse de cet édifice hybride, une peau héritée du passé, mais un présent palpitant à l'intérieur pour une Allemagne réconciliée avec elle-même. Parce que ce forum Humboldt aurait pu ne pas exister. Après la chute du mur de Berlin, il fallait un projet commun aux deux Allemagnes unifiées pour cultiver un présent plus désirable que les multiples faillites qui touchaient les habitants de ces régions orientales. Le principe a fait ses preuves, créer un territoire commun pour porter ensemble un regard confiant vers l'avenir. Ce qui a grippé la machine, c'est le lieu où le forum a trouvé sa place, le Palais de la République. un gigantesque bâtiment rectangulaire dans le plus pur style fonctionnaliste qui abritait le Parlement est-allemand, mais aussi les bons souvenirs, parce qu'il y en a eu, de la vie sociale et culturelle sous le socialisme. On pouvait y dîner, y voir un concert, des spectacles, y manger une glace et même y jouer au bowling. Les souvenirs festifs du communisme à l'œuvre s'incarnaient dans ce bâtiment dont la destruction a été décidée en 2002. Si les Allemands de l'Est ont accueilli avec ferveur la fin de leur régime politique, les bons souvenirs étaient ce jour-là liquidés dans un même mouvement avec les mauvais. Pour remplacer ce monument de la division allemande le long de la Spree, on a cherché dans un passé plus lointain, bien avant la guerre froide. La reconstruction du château des Hohenzollern, la famille royale de Prusse et des empereurs d'Allemagne, qui a gouverné du XVIIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, a semblé constituer une solution. Dans un documentaire diffusé sur Arte et intitulé « Et Berlin se bâtit un château, point de suspension », tout est dans cette ponctuation du doute, le malaise est présent à chaque instant dans les témoignages des intervenants, rarement certains de la pertinence de ce choix et défendant difficilement un projet polémique. Qu'est-ce que se confronter à l'histoire ? C'est la nécessité de se positionner d'une manière ou d'une autre. Je suis persuadé que ce lieu peut raconter des épisodes de l'histoire allemande et instaurer une relation distanciée, mais apaisée, nécessaire pour pouvoir tourner la page. C'est très important. Personne n'aimait ce château après la mort de Frédéric Ier, son commanditaire, qui avait rêvé d'avoir son propre Versailles, et sa proximité avec le peuple, réputé rebelle de Berlin, n'invitait pas les séjours fréquents des monarques soucieux de leur quiétude, voire de leur sécurité. Bombardé en 1945, ce symbole de la monarchie allemande, inaccessible au peuple, est rasé en 1950 par le nouveau pouvoir communiste en place. Des ruines balayées et reconstituées aujourd'hui comme un décor historique qui se rappelle aux yeux des passants, tout en proposant à l'intérieur le projet culturel le plus ambitieux du moment en Allemagne. Mais une Allemagne travaillée par ce passé communiste balayé sans en avoir fait le bilan est peut-être la synthèse avec l'héritage de l'Allemagne de l'Ouest pour un projet commun. À minima, on trouve à l'intérieur du château, dans un couloir, la reproduction des fenêtres de l'ancien palais de la République, peintes sur les murs comme une relique fantomatique d'un passé qui peine toujours à trouver sa place aujourd'hui. Une accumulation historique périlleuse, toujours en chantier, à laquelle s'ajoute, comme le rappelle Thomas Vider dans les colonnes du Monde, que le Nigeria demande la restitution de plusieurs objets destinés à être exposés dans le forum Humboldt, qui décidément ne résoudra pas les nœuds de l'histoire, mais en sera certainement un des nouveaux centres de cristallisation. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission réalisée par Émilie Valla avec aujourd'hui à la technique Swad Boukorsa, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins, Nicolas Berling et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, nous nous intéressons à la manière de raconter l'histoire autrement. Et demain, la littérature et l'histoire, Mussolini peut-il être un personnage de roman avec Antonio Scurati pour son incroyable M, l'enfant du siècle.